joie, ribaude commune. Cette semaine, la prostitution. Si on veut comprendre l'histoire de la prostitution, il est évident qu'il faut partir de la demande. De l'Antiquité à l'aube du XXe siècle. Aux origines de Rome, c'est violence, c'est sexe, et c'est cette image de prostitution avec la louve et la lupa qui sont présentes. Le bordel devient, dans l'esprit des magistrats du 1er et 15e siècle, un atelier de conjugalité, parce qu'on peut y apprendre à chevaucher normalement une femme. Dans la première moitié du 19e siècle, les femmes étaient recluses dans les maisons closes. Alors les courtisanes, il y en avait à tous les étages, si je puis dire, de la société. Et dans certains cas, ces femmes avaient une intelligence et une influence, il faut bien le dire, très forte sur les décisions politiques prises par leur amant. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Julia Bracher, auteure et réalisatrice de documentaires. Voici une carte de visite extrêmement bien résumée. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, parce que vous nous dites juste le minimum, la carte de visite. Mais en général, quand on arrive à ce micro, certes on a fait des choses récentes, mais on a pu faire des choses avant, voire même bien avant. Qu'est-ce que c'est que ce bien avant-là? J'ai été pendant plusieurs années éditrice pour du roman et surtout du livre illustré. Donc je suis une femme de l'image, du texte et de l'histoire. J'ai fait des études d'histoire. J'ai réalisé plusieurs films et j'ai été aussi auteur d'anthologies. Des anthologies historiques d'abord, quand j'ai rencontré Léon Blum, dans les papiers. Hein. Et puis après, auteur d'anthologies littéraires plutôt. J'ai écrit une histoire de l'écriture féminine du désir, du sexe, de l'érotisme au féminin, qui a été publiée à la Réunion des musées nationaux et chez Omnibus. Et qui s'est intitulé « Écrire le désir » ou « 2000 ans d'écriture féminine » de Sappho à Pauline Réage. Et donc du coup j'ai découvert dans cette aventure une multitude d'écrits de femmes, de Sappho à des auteurs moins connus et aussi à des écrits prostitutionnels. Et c'est là où je me suis interrogée notamment sur la femme prostituée et sur ses petites et grandes misères. On va venir, Julien Bracher, sur le documentaire, mais puisqu'on en est à l'étage de l'anthologie, comment ça se construit une anthologie? On fait des fouilles à n'en plus finir, on lit, on lit, on lit, on absorbe, et puis on met dans une marge des petites croix en disant « ça faut que je le mette, ça faut que je le mette ». Comment on fait ça? Ça dépend des anthologies. Quand c'est une anthologie historique, elle est dirigée par soit par une démonstration, si on est plus subjective, et je le suis souvent parce que j'ai un point de vue, je suis pas historienne, même si j'ai fait des études d'histoire, et même j'estime que les historiens sont souvent subjectifs, donc je sais que on ne trouve souvent ce qu'on cherche, mais parfois on est surpris, et c'est très bien. Donc ça c'est pour les anthologies historiques, et quand c'est les anthologies littéraires, après c'est là la subjectivité en revanche nous guide complètement. Et donc c'est les textes qui nous émeut, les textes aussi significatifs. Donc on peut pas faire l'économie aussi de ce qui a marqué l'histoire, même si ce sont pas des textes qui nous transportent, mais on peut aussi témoigner. Voilà, c'est aussi le témoin d'une histoire. Une anthologie, quand elle est chronologique, on doit aussi prendre en compte la censure, le scandale, la personnalité de l'auteur. C'était aussi ça qui m'intéressait dans Écrire le désir. Quand vous dites les écrits ou des archives prostitutionnelles, à quoi faut-il s'attendre? Qu'est-ce que l'on a sous les yeux et sur quel type de dossier ou d'écrit on tombe? Très peu de choses. Très peu de choses parce que les femmes prostituées n'écrivent pas. En vérité, ce sont surtout les courtisanes qui ont écrit leur mémoire ou leur mémoire déguisée, une espèce de prémisse d'autofiction. Et du coup, c'est le vide mémorial qui m'a interrogée. Donc d'une part, il y avait ces courtisanes, ces prostituées de haute voltige, et puis après, ces prostituées de l'ombre, la plus grande masse. Effectivement, souvent, elles n'écrivent pas parce qu'elles ne lisent pas, souvent elles sont analphabètes. Et donc, d'ailleurs, on le voit bien dans toutes les procédures administratives et surtout policières, que souvent, ce n'est pas elles qui remplissent. Évidemment qu'elles ne signent même pas. Donc du coup, c'est aussi cette carence qui m'a amenée à raconter non pas que les courtisanes dans ce film, mais ces femmes à qui on n'a jamais donné la parole, parce que souvent, quand on parle de prostitution, on dresse un tableau assez large, mais on ne s'intéresse pas aux filles, vraiment, comment elles le vivent. Alors moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de m'intéresser à elles, tout en expliquant le système prostitutionnel d'une époque, à un moment T de l'histoire. et d'interroger une histoire qui n'a pas été écrite par elle, mais rapportée. Donc c'était difficile, mais du coup, ça aussi en disait long sur la société et ce que ça laisse aussi aujourd'hui. Voilà, c'est des questionnements aussi qu'on ne cesse de se poser. Enfin, pour moi, la prostitution est toujours polémique. On est féministe, homme, femme, politique, personne n'est d'accord. Julien Brachet, vous faites, vous, désormais, la distinction entre prostitution et courtisanerie. Il n'est pas sûr que ceux qui nous écoutent en ce moment et n'ont pas encore vu votre documentaire, qui sera diffusé évidemment dimanche soir sur RTS2, soit à même de pouvoir faire cette distinction-là. Dites-nous ce qui les sépare. Et puis, puisqu'on en est également aux courtisanes, ce qui peut les amener à écrire est-il, selon vous, lié de leur part avant tout à un besoin de notoriété? Alors, déjà, les courtisanes sont des prostituées. C'est de la vénalité, elles ne font d'ailleurs, elles n'ont absolument pas honte du métier qu'elles exercent. Après, ce sont souvent des femmes lettrées, politiciennes, donc elles ont beaucoup plus de cordes à leur arc. En revanche, là, mon sujet, moi, c'était des filles de joie et de misère, et particulièrement les prostituées de maisons closes. Donc, les courtisanes ont pu passer dans les maisons closes pour leur apprentissage, mais en général, ce sont quand même deux mondes distincts. Et voilà, alors en général, les femmes qui habitent dans les maisons closes, qui travaillent dans les maisons closes, n'ont ni les moyens, ni la même splendeur que les courtisanes. Ça ne répond pas tout à fait à mon interrogation, mais peut-être est-ce une fausse question. Il n'y a rien qui les relie à la notoriété. Rajouter une couche d'écriture a-t-il à voir avec le besoin d'exister dans la société? Alors peut-être, oui, de toute manière, ces femmes d'ailleurs... Quand vous relevez le besoin de notoriété, d'ailleurs, elles étaient toutes extrêmement courtisées par les journalistes avec qui elles étaient souvent... il y avait une complicité. C'est d'ailleurs souvent des journalistes qui faisaient les courtisanes en écrivant des papiers, en les photographiant. C'était la première presse people. Et elles ont fait les choux gras d'énormément de journaux. Je pense à Liane de Pougy, notamment, qui était vraiment qu'on connaissait dans toute l'Europe, voire dans le monde entier. Et donc, effectivement, le besoin d'écrire doit aussi probablement, chez elles, un besoin d'être aimée, de reconnaissance aussi, parce que prouver aussi qu'elles ne sont pas que des femmes qui s'allongent et qu'on ne va pas chez elles que pour des prouesses sexuelles qu'elles doivent avoir, mais aussi parce que ce sont des femmes brillantes et qu'on aime, on aime discuter avec elles. Donc souvent elles couchent leurs pensées sur leur papier et parfois elles en font un livre. Ça se passe à Paris. Pourquoi ça se passe à Paris? Pourquoi cette chose-là, cette histoire-là, a pour cœur la capitale de l'Hexagone en cette fin du XIXe siècle? Alors, les maisons closes, c'est un système d'abord français qui s'est étendu à toute l'Europe. Ça a commencé bien avant la fin du XIXe, mais on peut dire que les maisons closes, c'est-à-dire ce système-là, de French System, comme on l'a appelé par la suite, débute avec le consulat, grosso modo, et qu'effectivement, c'est Napoléon, avec l'étendue de l'Europe napoléonienne, qui l'a étendue à l'Europe. Et donc, c'est un système qui a vraiment été mis en place à Paris, structuré à Paris, et pensé et réglementé à Paris. C'est ce qu'on appelle la réglementation. Et donc, il y a certains pays encore aujourd'hui qui sont des pays réglementaristes, et donc qui estiment qu'on ne légifère pas la prostitution, donc le législateur, soi-disant, s'en lave les mains. Néanmoins, on la réglemente. Ça veut dire que on ne fait pas comme si elle n'existait pas. Et puis surtout, les maquerelles, les tenancières, les prostituées sont tenues à un contrôle administratif extrêmement sévère. Du coup, il y a plein de dérives aussi. C'est ce que le film propose de disséquer. Et voilà pourquoi Paris, qui est bien sûr... À Paris, pourquoi ça s'est mis aussi en place? Parce que c'est aussi la ville des plaisirs. Et je pense que... Alors, je ne sais pas aujourd'hui, mais il fut un temps où ça l'était. Et du coup, je pense que ça s'est imposé pendant longtemps aussi pour ça. Racontez-nous comment ça vous est venu, Julien Brachet. On a compris que l'ouverture de ce que vous aviez pu découvrir comme écrit sur la prostitution vous mettez sur la piste. Après, il s'agit de se dire, je vais faire un documentaire. Alors, les écrits... aussi passionnants soient-ils, ne peuvent pas suffire. Il va falloir de l'image quand on fait un documentaire. Comment vous êtes-vous dit, je vais construire ça, comme si, d'autant que si l'on veut des archives sur la prostitution, des archives images sur la prostitution passée, on doit commencer j'imagine, à s'arracher les cheveux. Oui, alors en effet, c'était d'abord la volonté de donner la parole à des femmes qui ne la prenaient pas, à qui on ne l'avait pas donnée. Donc c'était la première démarche. Ensuite, effectivement, quand on fait un film, il faut de l'image. Il était essentiel, évidemment, que j'ai des intervenants, des spécialistes, des historiens, des conservateurs qui puissent donner un éclairage précis et éventuellement apporter une source de polémique si nécessaire. Mais l'image, donc il a fallu la trouver. Et pour ça, mon métier, c'est chercher. Je suis une espèce de détective du passé. Mon cœur de métier avant, c'était l'iconographie. Donc, je suis allée voir des collectionneurs privés. Je suis allée voir des fonds muséaux. Il se trouve que dans l'histoire de ce film, il y a une grande tristesse. Il y a le musée de l'érotisme à Paris qui se trouvait à Pigalle, qui était un grand musée, pourtant peu connu, a fermé ses portes donc il y a peu de temps. Sa collection a été mise aux enchères et moi je l'ai appris alors que j'étais en train de faire le film. Le musée n'avait pas encore été fermé et donc du coup j'ai pu avoir accès au fond du musée. Et puis des archives qui parfois inédites, c'est-à-dire que c'était pas un fond complètement exploité non plus parce que ça se trouvait dans des caisses. Et puis après, avec un autre collectionneur qui avait un fonds d'archives incroyable également, qui m'a beaucoup facilité les démarches. Et voilà, après, c'est fouiller, c'est chercher. Puis en fonction de ce qu'on veut dire, après, il y a aussi des fonds vidéo que j'ai exploités, aussi un peu détournés. Et puis, il y a les fameux films pornographiques que j'ai pu trouver sur différentes périodes qui, alors, parfois, les actrices, ce sont des prostituées. Comme les photos d'ailleurs, et parfois non. Parfois ce sont des vraies actrices. Ça a été identifié, vous voulez dire ? Oui, oui, et parfois ce sont des amateurs. Alors c'est pas identifié tout le temps, hein, mais voilà. Donc ça c'est. Et puis après, forcément, on détourne parfois un petit peu l'image, mais très légèrement, dans le sens je ne pouvais pas montrer forcément. Parce que, comment dire, des fois c'est extrêmement explicite, bien plus explicite que la télé pour un documentaire me le permettrait. Donc voilà, j'arrête juste avant les dommages. Je suis le désir pervers qui roule au hasard des mers. Retour au temps des maisons closes. C'est en France que tout a commencé. Le monde afflue alors dans sa capitale des plaisirs, Paris. La prostitution, dit le proverbe, est un métier préhistorique. Mais c'est seulement sous le consulat que l'on réglemente le commerce de la chair. Ce French system, comme on l'appelle alors, va s'étendre à toute l'Europe. Philosophes et politiques, tous s'accordent à penser que les prostituées, certes, sont méprisables, mais si vous les supprimez, que deviendront les passions inassouvies ? La prostituée est indispensable à la cité, comme la poubelle à la famille. On voit qu'il y a effectivement une partie de film amateur, probablement une petite partie image filmée, j'entends, documentaire, mais quand même essentiellement fiction. Tout au moins, c'est comme ça que je me le suis interprété, à moins que la caméra ait été placée à tel endroit, que sais-je, sortie de prison ou entrée de panier à salade, comme on disait à l'époque. Mais j'imagine que non, ce sont d'abord des fictions. Ça m'a laissé à penser que pour les scénaristes, pour les réalisateurs, la prostitution a été un encrier de scénario considérable. Effectivement, le matériel filmique, c'est essentiellement de la fiction. Déjà, par rapport aux photographies, où là, ce sont de vraies prostituées avec des photographes qui venaient soit dans les maisons pour les photographier, soit effectivement des femmes qui se faisaient photographier, qui par ailleurs étaient des prostituées occasionnelles et qui pouvaient se faire photographier dans les studios des photographes. Et parfois, on a véritablement affaire à de véritables œuvres d'art concernant les photos. Il y a de très très belles photos. Oui, c'est vraiment sublime. C'est un travail photographique remarquable. On a des daguerreotypes absolument, des autochromes absolument incroyables. Hein. Il y a des grands artistes qui se sont penchés sur ces femmes, mais parce que c'est aussi des femmes qui étaient libres de montrer leur corps. Donc des artistes, évidemment, c'était très esthétisant. Et puis les maisons closes de luxe étaient aussi des lieux très esthétisants, très graphiques. Donc forcément, la photographie s'en est emparée. C'est les prémices aussi de la photographie. Donc ça explique une espèce de rencontre aussi entre le photographe et les prostituées. Donc de même que la fiction s'intéresse au personnage de la prostituée, c'est comme les photographes qui s'intéressent aux prostituées. C'est-à-dire que c'est une figure assez archétypale qui, effectivement, du coup, n'est pas à l'abri de préjugés artistiques. Et on peut aussi, c'est un très bon moyen de prendre la température d'une société, c'est-à-dire que la femme prostituée prise en photo au 19e siècle à une date précise n'est pas la femme prostituée qu'on prendra en photo aujourd'hui. Et surtout, de quelle manière? À l'époque, vous avez moins de reportages que de photographies dites d'art, ou en tout cas de mise en scène qui ne sont pas du tout du reportage. Aujourd'hui, peut-être qu'on photographie la prostitution de manière, voilà, pour rendre compte. Donc on est dans une démarche très différente, ce qui veut dire aussi autre chose. Quant à la fiction, je pense qu'effectivement, c'est une figure qui est fascinante. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai voulu en parler, et ça a été aussi très compliqué. C'est-à-dire, comment parler de ça sans tomber dans l'exotisme, cette espèce de fascination morbide pour ces femmes, et essayer justement de les débarrasser de leurs clichés, des archétypes et de ce fantasme, tout en ayant comme matériel du matériel extrêmement esthétique. Donc, vous voyez, il y a une dichotomie pour l'auteur et la réalisatrice que je suis, qui était parfois en disant, attention, on a envie de sublimer. Et puis, en même temps, c'était pas mon travail. Et puis, vous le savez, évidemment, puisque vous êtes une femme d'image, Julia Bracher, l'image détourne souvent du propos, du contenu, voire du sens. Est-ce que pour votre travail au niveau du montage, ça a été pour vous des choses difficiles à manier, à manipuler, en vous disant je me mets à la place du téléspectateur, à quel moment on n'entend plus du tout ce qu'on est en train de nous dire parce que l'image prend le dessus, et comment faire l'équilibre? Moi, le montage, c'est mon moment préféré. C'est-à-dire que c'est totalement jouissif. On a normalement tout. On est paré pour une réécriture. Et en plus, moi, j'ai eu la chance de travailler avec une très bonne monteuse avec qui ça s'est très, très bien passé. Donc, quand ça se passe dans ces conditions-là, c'est formidable. Et du coup, je me mets pas à la place du spectateur. Je réfléchis à ce que moi, je veux raconter. Donc, des fois, c'est moi ce que je veux dire. Et des fois, effectivement, le texte donne de l'information quand c'est nécessaire. Parfois, c'est l'image qui doit parler. Parfois, c'est la musique. Parfois, c'est un ensemble. C'est souvent toujours tout un ensemble. Donc, à chaque fois, il faut penser l'image, le texte, les intervenants, puisque c'est un film où il y a aussi beaucoup d'intervenants. Donc, à prendre la mesure du rythme aussi. Donc, il y a plein de couches et c'est un terrain de jeu formidable. Extrait de Maison Close, Fille de joie et de misère, un documentaire à voir ce dimanche sur RTS2. On les appelle Belle Cuisse, Pépé, Carmen, Boulotte, Divine, Coup de Sabre, Bijoux, Poil Long, Nana. Mais qui se cache derrière ce flot imagé de pseudonymes? Les scientifiques de l'époque se sont évertués à dresser le portrait de la prostituée, à discerner sa psychologie. Leur conclusion est sans appel, la prostituée est immature, refusant le travail au profit du plaisir, n'acceptant de peiner que couchée sur un lit. Naturellement coléreuse, turbulente, gourmande et assoiffée, la voix rauque et l'embonpoint la distinguant des femmes honnêtes. En tant qu'historienne et femme, j'ai toujours très honte de parler à la place d'eux. Parce que nous avons très peu la parole des prostituées. Ces femmes-là n'écrivent pas, ces femmes-là ne parlent pas, ces femmes-là ne sont pas écoutées. C'est ça la difficulté, c'est que les sources que nous avons sont des sources écrites par les hommes, pour les hommes. La parole des prostituées est quasiment inconnue. La parole des épouses pose plus de problèmes. Il est très difficile qu'une épouse énonce que son mari a recours à une prostituée. On est là dans l'hypocrisie la plus totale. Un certain nombre d'épouses préfèrent le recours à une prostituée. Ça ne met pas en danger votre couple. C'est une relation éphémère. On ne divorce pas, surtout dans la bourgeoisie, pour aller épouser une prostituée. Donc cette relation éphémère qui d'ailleurs est tout à fait dans l'idée des législateurs du réglementarisme parce que ça permet la stabilité de la famille. Donc, madame pense qu'il n'y a pas de danger, si ce n'est le danger sanitaire. Quand le vent pleure et gémit, tu entends ma voix rauque dans l'océan endormi. Quand l'eau verte s'assombrit, tu les reconnais, mes yeux glauques, dans ton hamac, l'œil ouvert. Je suis le désir pervers qui rôde au hasard des mers. Julia Brachère, venons-en dans votre documentaire à ces deux étages que vous distinguez bien. Et enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs dans l'édifice. Il y a celui des courtisanes dont on a un peu parlé. Il y a ces maisons de luxe qui sont réservées essentiellement à une certaine classe sociale qu'on peut très rapidement réduire au mot de bourgeoisie. Et puis, il y a le tout venant, il y a les autres maisons. Chacune de ces maisons, c'est un lieu. Mais si l'on imagine qu'il doit y avoir une richesse iconographique pour les unes, j'entends les maisons riches, les maisons bourgeoises, où les photographes précisément, voire les peintres viennent, c'est peut-être moins le cas des maisons plus misérables. Alors racontez-nous ce que vous avez pu trouver en chemin. Alors effectivement, il y a une iconographie assez riche concernant les maisons de luxe, comme le Chabanais. Mais du coup, pour parler... Alors, il y a très très peu d'images, effectivement, des maisons d'abattage, qui sont les plus nombreuses, où les filles dorment vraiment sur des paillasses, où il y a très peu de lieux de convivialité. En revanche, vous avez plusieurs maisons intermédiaires, qui sont des maisons provinciales, comme ce que Maupassant racontait dans la maison Tellier, où du coup, on a des représentations peintes, iconographiques, des photographies aussi, ou ce que j'ai appelé des photos de famille. C'est-à-dire où vous avez la tenancière, le tenancier, puisque c'est le tenancier qui est propriétaire. Ce n'est jamais, ou très très rarement, comme ça a été le cas pour le Chabanais, mais sinon ce sont des tenanciers qui sont propriétaires et c'est une tenancière qui gère le bordel. Et donc vous avez des photos de famille assez incroyables, où vous avez les filles, la sous-maîtresse ou les deux sous-maîtresses qui gèrent la maison avec la tenancière, et le chien. Pardonnez-moi, mais donnez aussi, puisque les gens ne le savent pas forcément, la fonction de la sous-maîtresse. Ça dépend d'une maison à l'autre. La sous-maîtresse, elle aide pour le quotidien, la tenancière. C'est elle qui peut recruter, avec évidemment après l'aval de la tenancière. C'est elle qui veille à ce que les filles mangent bien et surtout à l'hygiène, aussi aux clients, à ce que les filles fassent bien ce que les clients veulent. Et dans de bonnes conditions, elles peuvent aussi protéger ou du moins faire attention à ce qu'on ne les abîme pas trop. Voilà. Et puis souvent les... Voilà, il peut y avoir beaucoup de rixes avec ces femmes qui sont très particulières, très ambivalentes. Quant à la tenancière, elle est vraiment l'objet, pas d'un culte, mais on a peur de la tenancière. Il y a même ce qu'on appelle, et c'est même une thématique iconographique, la fête de la tenancière, où chaque année les tenancières étaient fêtées et où les filles leur faisaient un cadeau. Chacune donnait un petit cadeau à la maman, parce que c'est une figure quand même à la fois très autoritaire et très patriarcale, donc ce qui est paradoxal, et en même temps une figure comme ça, titulaire, un peu de mère, marâtre. Les raisons pour lesquelles il s'agit systématiquement d'une femme, l'homme n'étant que propriétaire ? C'est préfectural, ça fait partie du French System, c'est une volonté des préfectures, où c'est une femme qui tient la maison. A-t-on une idée de... l'espérance de vie de ces femmes, et est-ce qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, soit auprès des historiens et historiennes que vous avez rencontrés, ou de la littérature que vous avez pu avoir à consulter, une idée, si toutefois c'est possible, de la durée de vie de ces femmes ? Alors, on est là, l'essentiel du documentaire, c'est donc début 19e jusqu'à la fermeture par Marthe Richard en France, donc en 46. Donc évidemment, sur une période aussi large, je pourrais pas vous donner un chiffre précis parce que la mortalité ne dépend pas que de leur activité professionnelle, mais aussi des maladies et du temps. Mais on peut imaginer qu'effectivement, dans les maisons d'abattage, la durée de vie n'était pas longue, puisque les femmes, forcément, soit elles finissaient là parce qu'elles étaient déjà malades, c'est-à-dire syphilitiques. C'est quand même aussi le corollaire et l'histoire des maisons closes pendant un très long moment. C'est aussi une histoire des maladies vénériennes. Et donc les filles en maison d'abattage, soit elles y allaient parce qu'elles étaient déjà malades, soit de toute manière elle tombait malade et elle mourait très vite. Mais même si les filles usaient de subterfuges pour et de précautions pour ne pas tomber malade ou se protéger, des espèces de fatalement de toute manière, elles c'était des femmes qui étaient à risque pour elles d'abord. Donc même si, alors c'est assez étonnant et c'est en faisant ce documentaire que je l'ai appris, il y a eu des prémices hygiéniques vraiment élaborées plus ou moins au début du XXe. Il y avait un délire hygiénique à un moment donné vraiment qui a été assez prégnant, mais qui ne protégeait pas les femmes véritablement. Sous l'occupation aussi, les Allemands dans leur délire hygiénique sommaient chaque lieutenant, chaque officier dans les maisons closes pour l'occupant de mettre des préservatifs, ce qui n'était pas une obligation avant. Donc, puisque dans toutes les grandes maisons, ils avaient une salle qui était une salle prophylactique, qui bénéficiait justement de tout le matériel médical nécessaire. Et les femmes devaient, dans la plupart des maisons, avoir une à trois visites d'un médecin qui justement devait leur donner un certificat et noter dans leur livret qu'elles étaient saines. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé un registre où le médecin certifie que la femme n'est pas malade et qu'elle est saine, et donc du coup, qu'elle peut exercer, parce que sinon, c'était l'hôpital. Et l'hôpital, c'était la prison. En quelques mots, parce qu'il nous faut finir cet entretien, malheureusement, Julien Brachère, on vous entendrait encore bien longtemps nous raconter tout cela, mais on aura la possibilité dimanche soir de voir votre documentaire, de le découvrir. Cette brigade des mœurs sur laquelle on passe un peu rapidement dans le documentaire, c'est une brigade à l'évidence nouvelle. Puisque la prostitution existe, que les maisons closes existent, pourquoi une brigade des mœurs ? C'est un système administratif, c'est un système qui est verrouillé par l'administration, donc il faut la surveiller. Et donc, les filles doivent être encartées, doivent être surveillées de manière médicale, donc elles doivent être saines, c'est le principe de la réglementation. Puisqu'il y a un mal et qu'il est nécessaire, il faut le contrôler. Le contrôler, c'est le contrôler administrativement pour que la prostituée ne se déverse pas, n'écoule pas ses miasmes dans la société. Et pour la contrôler, il faut un système administratif et un système sécuritaire. Donc, la brigade des mœurs est là pour veiller à ce que les filles restent dans le droit chemin. Donc, ils vont contrôler, ils vont aller voir le livre. C'est pourquoi la tenancière s'appelle tenancière, c'est-à-dire qu'elle tient le livre à jour. Et dans ce livre, le nom des filles, leur provenance, leur âge et leur état de santé. Toute dernière question, pourquoi maison close ? Parce que dans la première moitié du XIXe siècle, les femmes étaient recluses dans les maisons closes. Les volets étaient fermés. C'était des prérogatives aussi préfectorales, c'est-à-dire que les maisons closes n'avaient pas le droit d'ouvrir leurs volets. Donc, volets fermés, donc elles vivent dans une atmosphère tout à fait particulière, des sorties chaperonnées par la sous-maîtresse ou la tenancière, ou par un homme, une fois par semaine dans le meilleur des cas, et parfois uniquement pour aller voir le médecin à l'extérieur. Donc elles étaient recluses. C'est pas du tout une vie de luxe. Et quand bien même ces femmes étaient dans des maisons de luxe, elles étaient recluses. Vous nous redonnez le titre de votre documentaire, s'il vous plaît. Filles de joie et de misère. Merci d'être venu en parler au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous. Rendez-vous dimanche soir sur RTS2 pour découvrir Maison Close, Fille de joie et de misère, le nouveau documentaire d'Histoire Vivante. Thank you.